On vient d'avoir un discours d'ouverture de la foire de l'absurde. Il a tout improvisé, lui, là, ou il avait vraiment écrit sur ses cartons? On sait jamais avec Mathieu. Faut pas vraiment aller fouiller. Hein, t'sais, hein. Mathieu, c'est comme une zone physique sombre qui n'émet que de la lumière, on va dire. Là. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, on vient de commencer officiellement. Après le premier long métrage, on a écouté Caroline, Stéphanie. Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. Moi, je me rappelle des quatre personnages, mais je sais jamais trop l'ordre dans lequel ça se passe. Stéphanie, parce que dans le fond, au début, il est avec Stéphanie. Ensuite, on se rend compte qu'il vit des choses avec Nathalie. Et là, Caroline vient tout brasser l'univers de Vincent. Ouais. Donc, à partir de maintenant, je pense que je vais m'en rappeler pour tout le temps. Est-ce que tu voulais faire ta petite intro pendant que je m'en vais m'installer là-bas? Oui. Bon, ben parfait. Hey, Tommy! Cheers! Bonne soirée. Et bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On vous souhaite la bienvenue à cette 7e Foire de l'Absurde qui est présentée en direct du Brouhaha 5860 de Lorimier à Montréal. La foire met en vedette cette année Simon Boisvert. Merci d'être parmi nous. Et a débuté depuis maintenant 1h15. On a commencé ça avec Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. Et ça se continue jusqu'au lundi 24 novembre au soir, avec une édition spéciale de 90 minutes de 70%. La 7e Foire de l'Absurde est aussi diffusée live en audio via Ustream. Fait que pour ceux qui vont devoir manquer une soirée sur place en fin de semaine, ben au moins vous allez avoir vous allez avoir quelque chose pour pouvoir écouter ce qui se passe dans la place. Bref, on vous remercie d'être avec nous au Brouhaha. Mesdames et messieurs, place à la 7e Foire de l'Absurde! Oui, j'ai écrit un discours. C'est un moment quand même qui est important, conséquent. On en parlait un petit peu tantôt, moi et notre invité de la soirée. Plusieurs comme coïncidences spéciales ce soir. En plus, lui, il travaille dans le hockey. Je viens de recommencer à travailler là-dedans. Donc, je fais ça avec le cœur le plus à jour possible. Je vais même me tourner un petit peu, hein, pour les voir. Ça fait quand même plaisir, là. Ça fait 15 ans. Qui ont commencé à travailler ensemble, à faire des longs métrages. Et depuis, ça n'en fait 6 que Simon Boisvert termine. Qui ici n'a pas encore, a terminé son premier long métrage? Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y a... T'aurais pu lever ta main. Lui a fait ça 6 fois. Donc, merci vraiment. Merci, pour vrai. J'écrivais, je réfléchissais. C'est vraiment une coïncidence magnifique que de te recevoir, Simon, avec nous. Cette année, pour notre 7e foire, gênez-vous pas aussi, hein, pour intervenir s'il y a des petites bulles d'idées là, qui percent. Là, on aime bien ça, nous, l'impertinence utile. J'ai l'impression qu'on vit un cycle et que ta présence avec nous ce soir est comme le prétexte idéal pour actualiser plusieurs clepsydres. C'est un exercice de sémantique que je vais faire à partir de maintenant, mais j'adore le vocabulaire, puis plus que je vieillis, plus je me rends compte que c'est... l'outil qui est le plus important à bien comprendre quand on l'utilise. C'est vrai. Tout d'abord, Mathieu a très, très bien parlé du mot « doute ». Douteux.org, oui, c'était très beau ce que Mathieu a dit. Douteux.org ne fait pas le culte de la médiocrité, mais celui de la variété, de l'authentique. On est ici pour discuter du potentiel de l'humanité et partager des découvertes. L'échange est au cœur de l'expérience et rien n'est jamais définitif. Il ne faut pas oublier que tout est douteux sorti de son contexte et que de douter de quelque chose ne rend pas cette chose forcément mauvaise, mais bien curieuse, intéressante, différente. On n'est pas en train de douter du fait que le bas du mur là est bleu. Genre, c'est pas intéressant comme train de pensée. Puis d'ailleurs, je répète souvent qu'un objet culturel est réellement vivant quand il est discuté. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à ce qu'on essaie de vivre ici. Douteux.org ne fait pas le culte de la médiocrité, mais met de l'avant la différence. Le terme vient du fait, douteux, qu'on manquait sciemment des cours de philosophie 2, le doute cartésien, pour écouter les Schtroumpfs. C'est en 1996 à Val-d'Or. C'est un choix douteux de skipper nos cours pour écouter les Schtroumpfs. Je fumais même pas de pot dans ce temps-là. C'est vrai. En fait, depuis les débuts, je trouve ironique de devoir expliquer aussi souvent le sens profond de notre nom. Donc, douteux. Mathieu en a très bien parlé. Ensuite, douteux.org. Notre premier webmestre, Benoît Poirier, le gars du monde dans le feu, entre autres, a checké pour douteux.com quand on voulait faire notre premier site web et c'était pris. Fait que j'ai dit, ben, on prend le .org, parce que c'était comme l'autre à côté. Là, il m'a répondu, ben là, c'est lettre. Je fais, bingo. Donc, ça explique un petit peu le nom douteux.org. Un nom douteux, certes, mais qui résonne très bien dans le cœur de tous les nombreux bénévoles qui ont investi de la motivation dans un organisme qui dit exactement ce qu'il est en train d'essayer de faire, dans le fond. Oui, on n'a pas trop sugar côté, mais voilà. La variété, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, pas le médiocre. J'avoue que l'ambiguïté est encore plus grande et repérable quand on écoute mes vieux shows. Hein? Quand on lit ce que j'ai écrit il y a 10 ans, à peu près. Mais si le vocabulaire a beaucoup changé, le but reste le même. On archive des choses que les autres croient que ça vaut pas la peine que ce soit archivé. Et on les diffuse pour que les gens se rendent compte qu'il existe autre chose que le mainstream actuel. Même foire de l'absurde. Tu sais, le mot absurde, pourquoi absurde? En fait, je pense que c'est probablement un des mots qui englobe le mieux tous les autres mots. Si tu veux créer un ensemble, surtout qui implique des êtres humains, si tu l'appelles absurde, je pense que ça l'humanise beaucoup. Il y a rien de plus absurde, je peux passer par la porte d'en arrière, je peux dire, il n'y a rien de plus absurde que quelqu'un qui essaie de débattre le fait qu'il n'est jamais absurde. C'est une de mes expériences préférées, en fait. Puis ça arrive de toutes les manières. Une partie du message de fond de l'organisme a toujours associé au fait que l'humour est une excellente manière de donner vie à des objets culturels qui étaient passés trop rapidement dans le court laps de temps que l'humanité considère comme vie utile à un objet. Et je pense qu'un objet culturel est aussi un objet. Ça vieillit comme ça. Simon Boisvert, maintenant. Simon Boisvert, oui. Simon Boisvert, on l'applaudit. Ben là, anyway, en tout cas, Boisvert est avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Combien d'heures j'ai consacré à ces films? Combien de pages j'en ai écrit? Combien de discussions j'ai eues? Combien de liens j'ai tissés juste avec des gens qui avaient eu la même expérience singulière à regarder ses créations. Ce qui est certain, c'est que Simon Boisvert est le gars qui m'a poussé à utiliser le vocabulaire le plus acerbe et méchant que j'ai utilisé en plus de 500 critiques de films. J'ai même déjà mentionné en onde à 70%, il y a des enregistrements, je vais les diffuser avec le temps, que Simon Boisvert était le seul être humain au monde, avec Éric Lapointe, mais je pas vraiment un être humain, à qui j'ai pas envie de parler. Ceux qui me connaissent savent à quel point c'est beaucoup dire. S'il y a une chose qui a évolué au cœur de notre entreprise inclusive, c'est que douteux.org, c'est vraiment le vocabulaire. J'ai déjà dit à mes amis, écoute ça, c'est vraiment pourri. Mais, écoute ça, tu vois, c'est plate. Non. Avec le recul, il y a un paradoxe trop gros pour qu'on n'en parle pas. Rapidement, l'impression que le langage utilisé pour parler de ces choses-là, on s'est rendu compte rapidement que c'était pas approprié. J'essaie pas de prendre des détours pour ne pas faire d'excuses publiques à Simon Boisvert. Des excuses publiques que je lui dois certainement, puis que j'ai faites sur Facebook. Il paraît qu'à cette heure, ça vaut. Là. Hashtag quelque chose. Non, en fait, je me garde les excuses pour la fin de mon speech, tout en redonnant un angle à des sabliers qui en avaient bien besoin. Anyway, il y a sûrement une grande partie de moi qui est jaloux. Hein, j'en ai parlé tantôt. Il y a une seule personne dans la salle ici qui a complété un long métrage. Il l'a fait 6 fois. Hein? Qui d'autre s'était juré de terminer un long métrage quand il a commencé son cégep? Là, il y a plus de mains qui se lèvent. Oui, non, il faut le dire. C'est correct. Ça fait partie de faire la paix avec ça. Oui. Moi, je lève mes deux mains. Là, je suis occupé. Là, je vais travailler là-dessus. Là, mais, ouais. Puis moi, je suis encore au stade. Je me jure que je vais le faire. Genre, c'est quoi les cinq étapes du déni, de vivre quelque chose, là, ouais. Non, non, m'a le faire, ouais. Donc, anyway, il y a sûrement une grande partie de moi qui est jaloux, comme je disais. Lui, il a fait 6 fois le long métrage. En plus, il a fait ça avec ses amis. Et il y avait plusieurs humains femelles. Moi, je veux dire, il savait s'entourer de belles madames. Salut, Diana. Oh oui, ça va bien. D'ailleurs, Diana s'est joint à nous pour la discussion qu'on va avoir après le petit speech que je suis en train d'avoir là. Puis j'arrive à la fin. Simon Boisvert, ce soir, je recrains des montres. J'ai dit que j'avais des excuses, mais en fait, pour vrai, là, j'y ai pensé beaucoup. Là. Les excuses, ça appartient à une autre discussion que celle qu'on a ici. Une discussion peut-être plus grande. En fait, pour être en ligne avec mon propos, là, ce soir, ce que je te dois... Ce sont des félicitations. Parce que à date, jamais un acteur ne m'aura autant convaincu d'une idée fausse de par ses performances. J'ai jamais rencontré un acteur qui a réussi à me convaincre du contraire de ce que... Écoute, ça fait 2 fois que je te rencontre, puis j'ai envie de t'inviter à Noël. Okay. Puis tu sais, sinon... Si la persévérance était des Sugar Crisp, ben tu serais un ourson sympathique. Si la persévérance était la Terre, ben tu serais l'atmosphère. Bravo, mec. J'ai réalisé... Wow, let's go. J'ai réalisé durant le court laps de temps qu'on a passé à Fantasia que, dans le fond, t'as plus de longs métrages terminés que mon idole, Roger Normandin. Je pourrais en parler longtemps de ça aussi. Les arguments se bousculent. Élise, on va avoir besoin de la chose bientôt. Les arguments se bousculent quand je dis que nous, que je suis content de te voir et que c'est le cœur qui tangue entre surprise et joie que nous, à douteux.org, sommes obligés de te remettre ce trophée qui a jadis été remis à Carl Carmoni et à Everything is Terrible. Ce trophée, en fait, on ne sait pas trop à date ce qu'il représente. C'est le trophée qu'on... Oui, c'est des décorations de nos décorateurs de ce soir, Sarah. Si tu le brasses, il y a des petites lumières dedans, mais c'est ta face qui est dans le fond. Une des rares photos actuelles... En fait, c'est une des rares photos qui n'est pas taguée douteux.org qui existe de Simon Boisvert sur Internet, quand même. On va en parler. Oui. Donc, c'est un trophée. On sait pas trop c'est quoi qui signifie à date, mais on est crissement content de t'avoir avec nous et partout autour de nous pour cette 7e foire de l'absurde. En fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est que bientôt, je vais lâcher le micro, je vais me trouver une autre chaise, on va s'asseoir, puis on va jaser. Puis ça me rend heureux. Donc, merci tout le monde d'être là pour une 7e foire de l'absurde. Ça veut dire que ça fait 7 ans qu'on fait ça. Il y a du monde qui joue là-bas au NES. Il y en a qui écoutent avec... C'est drette ça qu'on veut. Saoulez-vous, donnez du tip à notre serveur gentil. Puis si vous avez un shooter de trop, je suis capable de le prendre. En attendant, donnez-moi quelques instants. Je vais changer un petit peu le décor pour aller rejoindre nos invités de marque. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça que vous applaudissiez en masse. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. Check, check. Okay, ça marche. Testing, 1, 2. Non, c'est 1, 2. Je sais de source sûre que Simon Boisvert est pas trop à l'aise avec les photos. Fait que prenez-en chacun une, mais diffusez-la le plus possible. Ah, c'est de toute beauté, j'adore ça. Tu peux y toucher au trophée, hein? Donc, on a Diana Lewis et Simon Boisvert en discussion. Ah oui, Jacques, caméraman, hein? On a aussi le caméraman des premiers films, de 4 films sur 6 de Simon Boisvert. Oui, c'est Jacques. On me disait tantôt que l'idée de découper le visage du patron de Vincent quand il se faisait renvoyer dans la discussion qui... Gros truchage audio aussi. T'avais-tu ton mot à dire sur le montage, l'audio final? Tu parles de quelle scène? Je parle de la scène quand Vincent décide de... Avec les bruits de fond d'avion, j'ai trouvé que c'était très cinéma moderne, genre. Oui, mais ça, c'était une idée de Jacques à 100%. On devait tourner la scène où le contrôleur, le patron des contrôleurs me foutait à la porte. Oui. Et puis Jacques avait eu l'idée de soit montrer ses yeux, soit montrer sa bouche, dépendant de la situation. Il l'a vu au montage. Puis, en tout cas, je trouvais ça cool, alors je l'avais laissé aller. C'est passé, puis... Parce qu'une chose qui est très importante à considérer dans le film que vous venez de voir, moi, c'est ma première expérience, mais sans aucune formation, sans aucune expérience, j'avais aucune connaissance dans rien. Alors, je peux dire que du côté mise en scène, Jacques a à peu près fait 90% de la mise en scène. Oui, oui, puis tu me disais... Hey, s'il vous plaît, on parle! Tu me disais tantôt, tu me disais que toi aussi, il y avait toutes sortes de défis qu'on pense pas là, tout de suite d'un coup là, qu'on commence. Là. Parce que toi, tu avais imaginé les séquences que tu as écrites, mais juste les petites marques au plancher pour savoir comment filmer, les cues de caméra aussi, le langage avec les techniciens aussi. C'est tout quelque chose que tu as comme... Je l'ai appris la première journée de tournage. C'est ça, c'est même plus une histoire d'apprendre sur le tas. Là. C'est une histoire de te gaver sur le tas. Oui. Puis c'était un peu inconscient de ma part, parce qu'honnêtement, je suis arrivé la première journée de tournage, puis sur l'heure du midi, il y avait des gens qui étaient prêts à lâcher. OK, fait qu'on commence à 8 heures, puis à midi, on va dîner. À midi, il y avait du monde qui était déjà, à midi, 1 heure, il y avait du monde déjà qui se disait, ben non, ça n'a pas de bon sens, ce film-là. Le gars connaît absolument rien en cinéma, il ne s'est pas acté. Alors, qu'est-ce que c'est, ce projet de bric-à-brac de merde-là? Je veux pas qu'on arrive à la conclusion tout de suite, parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est de donner un petit peu de couleur au trophée qu'on vient de te donner, je pense. Je pense que c'est des paroles qui vont revenir quand je vais le présenter à quelqu'un d'autre encore. Je trouve ça fabuleux que tu viennes nous parler à cœur ouvert comme ça, et c'est pour ça que je vais en profiter. Je vais vous poser à l'une comme l'autre des questions que j'ai posées à tous les invités que j'ai reçus de toute ma vie, et c'est très cher pour moi. Est-ce que vous jouez à Magic? Non. Diana? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils viennent d'en faire un de South Park, ça joue à Magic. Non, mais c'est Magic the Gathering, c'est un jeu de cartes à collectionner. Ah, toi, non. Ça. Toi, tu savais c'était quoi? Ouais, les Magic Cards. Okay. Les Magic Cards. Okay, ouais. Non. C'est parce que moi je joue encore. Ben, en fait, j'ai déjà joué, mais avec un enfant. Il n'était pas l'enfant à l'époque. Ouais, non, c'est ça. Il n'était pas l'enfant, mais l'enfant m'avait pratiquement forcé à jouer. Est-ce que tu as aimé ça? J'avais hâte que ça finisse. OK. Donc, je t'inviterai pas à jouer une soirée de Magic. Je vais admettre que ça m'a permis de regarder Entertainment Tonight à l'époque. Pendant qu'il jouait avec mon fils, c'était parfait. Merci pour le babysitting. Est-ce qu'on vient d'apprendre que Diana Lewis était fertile et qu'elle l'avait prouvé? Moi, je viens d'apprendre live qu'elle était fertile et qu'elle l'avait prouvé. Félicitations, c'est super cool ça. Fait que dans le fond, tu as eu une carrière on the side de gardeur d'enfants. Ben, son fils d'ailleurs a été dans une couple de mes films. C'est-tu le Zachary qu'on... Oui. Ah ouais! Oh yeah! Il y a 23 ans aujourd'hui. Hey, ça va vite, hein? Et il était dans le documentaire aussi. Oui, ben oui, ça, je m'en souviens très bien. Puis lui, c'était juste des bons souvenirs, en plus. Oh, c'est très beau, les mots qu'il prend pour en parler. Est-ce que tu sais que Julie, la fille de la boîte à lunch, est rendue légale? Coup de vieux, man! Coup de vieux! Donc, je vous ai demandé si vous jouiez à Magic, mais aujourd'hui, 21 novembre, il est arrivé quelque chose qui m'est très précieux. Oui, j'ai rencontré Simon Boisvert et Diana Lewis. Diana, je veux pas te manquer de rire. Oh, ça me dérange pas. Diana, ça va. Elle dit que la loi 101, ça passe, mais d'autres affaires, non. Genre. Non, mais ça doit pas être facile. T'es quoi? T'es une anglophone de Montréal, t'as appris ton français sur le tas. Parle-moi de ça, genre. Ben, je peux dire qu'on peut voir une amélioration pendant avec chaque film, là. Je suis rendue pas mal montréalaise avec mon accent, là. J'adore ça. Je suis pas pire, là, Star, là, avec mon français, hein. Mais moi, c'est pas autant... Je commençais pas comme ça, non, c'est sûr. Ton personnage à l'écran, je veux dire... Je parle à personne en particulier. Les autres auront leur opinion. Mais moi, je pense que t'appartenais à la lentille, dans le sens que il n'y a pas de mal à l'aise par rapport à ta présence à l'écran. J'ai pas l'impression que t'as... Est-ce que t'avais fait de l'acting avant Stéphanie, Nathalie, Jean-Charles, Paul? Ben, à ce moment-là, j'avais fait des films étudiants. Okay. Pas tant que ça, pour être honnête. Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Pourquoi tu racontes pas comment... t'en es venu à être dans Stéphanie. OK, ben... Ah, vous l'appelez comme ça, entre vous autres, Stéphanie? Non, le film. Oui, c'est ça, le film, il dit Stéphanie simplement parce que... C'est le premier. Même avec nous, c'est difficile à se souvenir de tous les noms. Je comprends. Jacques appelle ça SNCV. J'aime ça. Mais ça va peut-être être pour le 3, parce que moi, je veux qu'on finisse la trilogie à un moment donné, là. Non, il faut, là, une couple d'années plus tard. Je suis trop vieux. Depuis quand, ça? Ben, écoute, je t'avais d'avoir 49 ans, là. Pour quoi faire? Arrête donc! Quoi faire. Un trou de cul de 50 ans qui est sur des filles, là. Mais non, il y a toujours des trous de cul. Ça marche très bien. Ça existe toujours. Il n'y a aucun âge pour les trous de cul, a dit Diana. Et je suis totalement d'accord avec elle. Non, ça nous prend la fin de la trilogie. Il y a trop de suspens, surtout à la fin du 2. Ça finit un petit peu comme à la fin du 1. Ça, c'est une des questions que je voulais te poser. Moi, je voulais parler plus grand que juste ton francophonisme dans les films, là. Moi, je veux parler à la Diana Lewis montréalaise, là, qui a grandi. Parle-moi de ça. On parlera de l'autre affaire tantôt. Je l'ai décrit, fait qu'on l'oubliera pas, celle-là. Vivre à Montréal, là. T'as grandi à Montréal. Explique, Simon. Je me souviens pas, j'ai pas mangé puis j'ai juste bu de bière. Qu'on amène à manger à cette dame. Simon, explique et puis je vais... Elle a parlé des nachos, là. Je ne sais pas s'ils sont arrivés. Bon, ben, je pense qu'on va se préparer quelque chose pour les nachos. Dina, ce que Tommy veut savoir, c'est où est-ce que tu as grandi? Comment t'en es venu qu'habiter à Montréal? Ben oui. C'est un mélange de les États-Unis puis le Canada. OK. Ontario. En Ontario. Puis après ça, c'était... C'est les États-Unis, ça. Ouais. Je suis désolée. Il n'y a personne qui disait parfaite. Moi, je viens de Val-d'Or. merci. Donc, je suis allée à l'Université de Concordia parce que mes deux sœurs se sont allées à McGill. Puis moi, je n'avais pas les notes pour aller à McGill. Et je me suis présentée là, puis on m'a dit non, oublie ça, essaye même pas. Alors, d'accord, je suis allée à Concordia. T'étais plus artistique, genre. Ben, j'étais plus nulle à l'école, si on peut dire ça comme elle ça. Elle l'a dit, elle l'a dit. Que mes deux sœurs. Fait que. Puis là, au travers de ça, t'as fait du cinéma, puis oui, là... Oui, j'ai suivi des cours de théâtre un petit peu. Comment ça s'appelait? Actors Studio, c'est ça. Puis, il sait pas, lui, pourquoi je le regarde. Ben, parce que c'est ton repère, c'est lui que tu connais. Oui, j'ai fait ça. Mais là, il y a la bouche pleine, il aurait été mal poli qui parle. Puis, j'ai suivi des cours. Donc, j'ai commencé à Montréal quand je suis allée à l'Université de Concordia. En même temps, j'ai commencé à faire des petits films étudiants. Et puis là, en même temps, j'ai comme appris le français comme ça, là, dans la rue, parce que ben, les langues m'intéressent en général. Et puis c'est ça. Et voilà, de fil en aiguille, tu as rencontré un réalisateur, producteur, novice, qui cherchait des gens motivés à faire vivre un projet. Elle a répondu à une annonce dans Voir. Ouais. Dans Voir? Oui, je le connaissais pas, là. Dans le temps où Voir, les gens lisaient le journal. En tout cas, moi normalement, à l'époque, je lisais pas le Voir, d'habitude. Est-ce que tu te rappelles l'annonce? Les mots de l'annonce, est-ce que tu peux me la résumer? Oui, c'était un peu comme quelqu'un fait un long métrage... envoyez vos CV. C'est à peu près ça, entre les âges, ça puis ça. OK. Là, maintenant, j'aimerais, juste avant que Tommy passe à la prochaine question, que tu racontes, tu as été la première personne que j'ai auditionnée dans ma vie. Ouais. J'aimerais que tu racontes ton feeling que tu as eu. Ben, on le sait, il t'a chanté la bastringue. Veux-tu, Simon, que je sois honnête? Oui. Oui, oui, oui. On ben est oui. ici pour raconter oui. des anecdotes d'il y a 15 ans. Là, il y a la bouche pleine. Oh, je... Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que t'as pensé de moi lorsque tu t'es présenté dans la salle d'audition pour la première fois? Ça fait okay. 15 ans. Le Simon Boisvert de jadis t'a pardonné. Fait qu'imagine-lui. Là. Okay, tu là, peux je... me le dire juste dans l'oreille dans ton micro, si t'as mieux. Là, je vois un type assez nerveux qui portait, comment on dit, un tweed jacket. Comment tu dis ça? On le voit dans le documentaire. Il était très, très mince, puis il essayait d'être très, très gros. Il flottait dans son tweed jacket. Puis là, je sentais... il essaye d'être très important, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui manque là, là-dedans. Là. De l'expérience? D'accord. Mais je ne savais pas à l'époque. Oh, ouais, là, j'ai senti peut-être ça. Là. Puis là... Ouais, il était pas comme... épeurant. Non, il était nerveux, puis je suis important, mais nerveux, mais j'espère que tu vois pas que je suis nerveux. Non, je vois rien, moi, je vois rien. Fait que là, en entrée, j'ai dit, je voulais pas lui dire que j'avais un fils à la maison, mais j'ai dit, là, j'ai pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut aller faire ça plus vite? Est-ce qu'on peut trouver, passer l'audition 30 minutes plus tôt que d'habitude? Mais je voulais pas vraiment expliquer pourquoi. Mais il a dit oui, d'accord. Donc, on cherchait how do you say classroom? Une salle de classe. D'accord. On cherchait un endroit pour donner pour passer l'audition. Alors, là, il mettait la caméra un peu tout croche, là. Donc, il fallait que je parle ici et quelqu'un d'autre ici, puis la caméra était ici. D'habitude, je savais déjà que pour les auditions, là, c'est... Tu mets la face dans la caméra, là. C'est, on veut te voir acter, là. C'est, on veut pas te voir de profil, là. Fait que j'ai essayé de me tourner un petit peu, là. Puis malheureusement, j'étais un peu plein d'acné à cette époque-là. Puis il y avait un mot que je comprenais pas non plus. C'était le mot « gifler ». Ben, j'ai appris le mot. OK, ça commence voilà. à être long un peu, ton affaire. Non, mais j'aime ça. Il y a plein de détails. Elle est en train de le revivre pour nous. J'adore ça. Je m'excuse, mais il y a des chances qu'on va chicaner parce que si vous voulez nous voir... comme vrai. Comme... Il y a encore la gueule pleine. Continue, Simon, continue. Puis là, où est-ce que j'étais rendue avant que j'étais interrompue? Oui, en tout cas, c'est ça. Tu parlais du mot gif. Oui, j'ai rien fait parce que ben je croyais que c'était juste un mot ajouté. Là. Puis, oh, je sais pas. Fait que j'ai fait ce que je pouvais. J'avais pas beaucoup d'expérience, moi non plus. Et puis là, il me dit, il y avait le mot gif, t'as pas giflé. J'ai dit, c'est quoi gifler? Là, j'ai appris un mot, quoi. Et voilà. C'est ça. Et voilà, tu l'as appris dans la rue pour oui. vrai, le français. Oui. Mais ce qu'on voulait vraiment savoir, c'est qu'est-ce que tu pensais de moi ce soir-là? Ben, un peu nerd, un peu quelqu'un qui voulait... Toi, t'as déjà dit un mot, t'aimerais ça qu'elle le répète, puis elle veut pas le répéter. Non, c'est ça. un peu quelqu'un qui voulait faire du bien. Nerd? OK, là, ça... Arrête, Simon. Arrête. Nerd? Non, continue. Oui, mais tu étais dans un tweed jacket, tabarnouche, tu sais. On passait l'audition au cégep, tabarnouche, t'es dans de... Qu'est-ce que tu veux que je pense, là, tu sais? D'habitude, les gens portent des hoodies puis ces choses-là, puis toi, tu portais un tweed jacket. Okay, fair non, mais enough. Franchement, là, je sais que tu aimais le gars, le prof, dans Happy Days, là, mais quand même, là. Hey, fabuleux. Anyway, là, comme dit... il aime ça, dire ça anyway. Il aime ça faire dire ça aussi. Ouais, ouais. Vas-y, Simon, continue. Vas-y, steal the scene now. Go ahead. Vas-y là, Simon. Mais toi, qu'est-ce que t'as pensé quand t'as rencontré Diana pour la première fois? T'attendais-tu à, mettons, 15 ans plus tard qu'on aille une entrevue les trois ensemble? Écoute. Mais je l'ai trouvé gentil. Ça, au moins, je peux dire. Je suis pas un gars qui pense 15 ans en avant. J'étais dans le moment, puis je voulais juste être capable de faire mon film, réaliser mon rêve. OK. Ce que j'avais pensé d'elle à ce moment-là, je trouvais que, oui, son français n'était pas très adéquat, mais moi, j'avais l'idée de mettre... Que, je voulais pas juste mettre, puis tu as remarqué dans mes films, je voulais pas juste mettre des Blancs francophones. Oui, bon, oui, oui. Tu as remarqué dans le film, j'avais un Italien, j'avais un Noir, oui, j'avais oui, une Anglaise. Mais c'est très Montréalais aussi, dans c'est, le sens que ça... Oui, OK. Et moi, je trouvais qu'elle fitait le profil que je recherchais. Oui. Puis je me disais, elle a du talent comme actrice, elle est capable de montrer des émotions, puis on va travailler avec, puis le français, ben c'est secondaire. Est-ce que la facette, mettons, elle aussi a des choses à apprendre, tu t'es reconnu là-dedans, puis tu as dit ça va être plaisant d'apprendre des choses avec quelqu'un d'autre, genre? Peut-être. Ça, j'y ai pas vraiment pensé, mais c'est arrivé un peu comme tu dis. Ouais. Ben, bravo. Ouais. Bravo. Quand même, vous avez travaillé ensemble sur... toi, t'es dans 40 is the new 20. Là, ça veut dire toi, t'es dans tous les films les de Simon Boisvert. Ouais. Les 6 films. Ouais, puis... J'espère d'être dans le prochain, s'il vous plaît. Bon. moi aussi. Ça, c'est à voir. C'est à voir. Ben, appelle-moi à l'audition, tu vas voir. Je vais être au moins aussi bon que... Je sais pas. Ma gueule. Donc... Pourquoi ta maison de production, tu l'as appelée Les Productions 1984? Ben, je trouvais que c'était une année catchy à cause du livre. Entre autres. Qui avait été beaucoup discuté à ce moment-là. Puis c'est également une année à l'époque qui avait été une belle année dans ma vie. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ben, j'avais 18 ans, alors qui n'a pas de fun à 18 ans? Wow! J'ai rien à redire. Ben, des gens tristes, genre. Des gens tristes n'ont pas de fun à 18 ans. Moi, il y a quelque chose parce que j'ai réécouté tous tes films pour faire la petite feuille de questionnaire. D'ailleurs, remplissez ça. Hein, on écoute tous les films de Simon Boisvert pendant la fin de semaine. Si vous voulez les amener chez vous pour pouvoir les écouter chez vous, ça va me faire plaisir de vous les donner. Moi, je les ai eus gratuitement. Vous pourrez y payer une bière ou lui envoyer du chat ou aller payer pour quand il va projeter son prochain. Ça va être quoi, des gars, des filles et un ex-salaud, genre? Mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment remarqué qu'il y a un parallèle entre Vincent, qui est un... À mon sens, c'est un personnage très atypique du cinéma québécois, et les monstres de slasher movie. Ouais. Surtout dans des gars, des filles et un salaud, on dirait que il prédate bien... Et il court jamais après ses proies, mais il les rattrape tout le temps. Et ça finit dans le bain de sang qu'on peut s'attendre, là, avec la finale de Des gars, des filles et un salaud. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Es-tu un fan de films d'horreur? Plus jeune, j'aimais certains films. Parce que moi, à l'âge que j'ai, je suis comme arrivé un peu à l'époque adolescent où ça, c'était en effervescence. Okay. Avec Halloween. Moi, j'ai vu Halloween... C'était côté 14 ans. Je l'ai vu à l'âge de 12 ans. Bam! J'avais espéré qu'on me demande pas mes gardes. Mais puis ma mère m'avait prévenu. Tu vas aller voir Halloween. T'as 12 ans. C'est 14 ans. C'est pas mon problème si tu fais des cauchemars. Et t'es bien hot, ta mère. Et comme de fait, le soir même que j'ai vu Halloween, je me suis dit, c'était un vendredi. C'était une journée pédagogique, le jour où il était sorti. Je suis rentré à la maison. Puis ben là, j'avais peur. Alors, ma mère m'a dit, c'est ton problème. C'est pour ça que la régie du cinéma cote les films 14 ans. Et voilà, et voilà. J'ai vu le train de la terreur après ça. Terror Train, qui avait été tourné ici à Montréal. Ah, qui était un genre, avec Jamie Lee Curtis, qui est un genre de Halloween, mais à bord d'un train. Okay. Alors, adolescent, j'aimais beaucoup ça. Puis après ça, à un moment donné, c'est devenu un peu trop répétitif. Alors, puis le genre est tombé aussi. Oui, oui. Jusqu'à temps ça... que Scream ramène ça. Ouais, ben, comme en dérision aussi, en par dérision, la porte d'en arrière, genre. Mais je peux dire que de l'âge de 12 à 18-20 ans, j'ai bien aimé ça. Ouais. Ben oui, parce que je veux dire, à la même époque, t'aurais pu aller voir un Superman au cinéma ou t'aurais pu aller voir autre chose. Je l'ai vu, Superman. Ouais. T'es un gros fan de cinéma, dans le fond, t'es oui, en train de me toujours. Dire. Toujours. Mais j'allais voir n'importe quoi. Écoute, j'allais voir Annie Hall de Woody Allen. J'avais trouvé ça n'importe plate. Quoi, ouais, il dit, puis... Non, mais j'avais trouvé ça plate à mort, parce que j'avais 11 ans. Ouais, je comprends. Ben, Woody Allen, c'est pas... On partira pas là-dessus, là. On en a parlé tantôt quand Vincent couchait avec Nathalie. C'est une blague d'insider, hein, sapristi. Donc, sinon, ben, moi, j'aimerais beaucoup acheter un T-shirt des Stone Rockers. On le voit dans Vénus de Milo plusieurs fois, le logo, le font genre avec lequel tu as fait Stone Rocker ou avec lequel la personne... Est-ce que ça existe encore, ça? Je pense qu'il m'en reste juste un, mais je le garde. Ben, je moi aussi, je le garderais. C'est dans mon mémorabilia, là. Ben, je comprends. Il faut... Est-ce qu'il est peuplé pas mal, ça? Peux-tu me décrire un petit peu ce qu'il y a là-dedans? Mon mémorabilia? Ben oui. Ben non, mais si tu vois dans le documentaire, j'ai gardé beaucoup d'archives. J'ai tout gardé, des photos, des accessoires, des costumes même. J'ai fait les lettres pour Stone Rocker sur le T-shirt. Oui. C'est toi qui as fait le... Ouais. Ah, c'est ton fun tatoué! Ouais, ah, fist bump! T'es cool! C'est fabuleux. J'ai gardé beaucoup de choses de mes tournages. C'est comme ça que j'ai pu faire le documentaire, d'ailleurs. Ouais, ben... J'ai même gardé la petite annonce. Je comprends bien. Ben, ça solidifie le personnage, genre... Bravo. Moi je pense aussi que c'est une bonne idée d'assumer ce qu'on fait en gardant des traces, mettons. Je fais beaucoup ça. Sinon, ben, à la fin de tes films, il y a souvent une ellipse temporelle. On voit souvent en blanc, en lettres blanches sur fond noir, il est écrit de l'information genre 2 ans plus tard, quelques semaines plus tard. Est-ce que c'est parce que t'aimes trop tes personnages pour les laisser aller, genre? Ça, l'histoire, un an plus tard, 2 ans plus tard, c'est que j'arrive à la fin à un moment donné, puis je me dis, je peux pas finir comme ça. OK. Faut que je montre qu'est-ce qui est devenu. Et puis, qu'est-ce qui est devenu, bien souvent, ça arrive pas le lendemain. Effectivement. Ça arrive 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Alors, c'est un peu une coïncidence, mais à chaque fois que j'écris un scénario, je me trouve toujours dans une situation où j'arrive à la fin, j'écris 2 ans plus tard, 1 an plus tard, puis là, je me dis, oh non, pas encore. Est-ce que quand tu commences l'écriture d'un scénario, est-ce que tu vois où tu t'en vas? Est-ce que tu vois la ligne d'arrivée où tu commences? Puis, tu sais, un petit peu comme on traverse une forêt, on peut éviter un arbre à gauche, à droite ou... Écoute, je commence avec 3 affaires. Un début, ça ne dit pas un début, mais une idée. OK, un contexte initial. Une fin, mais surtout des lignes, des répliques. Ah, tu veux dire que tu as comme des phrases que tu as envie de faire dire à des personnages. J'écris ça. Moi, j'ai ça dans un tiroir, j'ai des répliques. OK. Puis là, après ça, je bâtis une histoire autour des répliques. Ah, ça... Pas une bonne idée. Ben... À ne pas faire. Sérieux, en tout cas, t'es en train de rajouter encore des belles couleurs au trophée qu'on a donné. J'adore ça. Ça me rappelle quand on a eu Carl Carmoni puis qui nous racontait, lui, ce qui lui faisait chier quand il parlait à des journalistes. Je trouvais ça fabuleux. Parce que je veux pas, c'est un sportif professionnel. Il peut pas comme dévoiler que ça le fait chier de parler à des journalistes. Puis il disait ça en me parlant à moi, qui était pas mal un journaliste quand il me le disait. En tout cas, il y a eu beaucoup de couleurs à ce trophée-là. Merci, Simon. Il est génial, man. Dario Gasparo a souvent le rôle du pervertisateur. C'est souvent comme le portail vers le... Pourquoi? Est-ce que le gars t'impressionne dans la vie de tous les jours? Est-ce que... Ben, moi, j'essaie de caster des gens qui ont un... qui ont soit le look ou l'attitude qui peut matcher. Comme Tommy, ton patron, ton ami qui était patron, oui, dans le rôle du patron. C'est ça. Puis Dario, ce qui est arrivé, ce qui était drôle, c'est que il avait auditionné justement pour jouer le rôle du patron du contrôleur. OK. Et le rôle du crook, je l'avais donné à quelqu'un d'autre. Mais ce gars-là, il a droppé. Parce que je pense qu'il a réfléchi à ça, puis il s'est dit, ce gars-là connaît absolument rien, c'est bric-à-brac, je veux pas faire partie de ses affaires. Est-ce que tu te rappelles du quoi qu'il fait à cette heure? Est-ce que tu as des nouvelles? Non. Non. Ouais, mais je sais qu'après ça, il était à la télévision. Mais ça fait plusieurs années que... C'est pas un beau combat non plus. Écoute, de je me souviens même pas de son nom, puis je google pas le monde tout et le temps, voilà. Constamment quand même. Là. C'est sûrement une marque de sanité, ça. Mais le gars avait droppé. Alors, j'ai appelé Dario, puis je lui ai dit, au lieu de faire le patron du contrôleur, veux-tu jouer le rôle du petit crook? Puis il vient de se gagner beaucoup plus de séquences aussi. Là, c'était vraiment un upgrade. Alors, il a dit oui. Puis après ça, Dario, je me suis un peu lié d'amitié avec lui. Et puis, on se parle de temps en temps. Puis, on se parle de cinéma. Dario a fait un film, d'ailleurs. Il a réalisé un film qu'il avait joué au Forum AMC, il y a à peu près 5-6 ans. OK. Alors, on a toujours gardé contact. Puis, c'est comme ça qu'il est resté dans la plupart de mes films. Personne ne m'a dit ça. En tout cas, mes recherchistes, ils ont choqué là-dessus. Ah ouais, Dario a fait un long métrage. C'est un réalisateur avec ses idées et tout. Avec son argent. Oh boy, ouais, avec surtout ça, peut-être. Sinon, est-ce que les séquences de discussion à la caméra façon télé-réalité, c'est quelque chose qui est venu en écrivant le film? Dans le sens qu'on en parlait aussi tantôt, la caméra à l'épaule aussi, c'est quoi? C'est dans Vénus de Milo que souvent les personnages parlent comme à la caméra. Et puis là, ils se vident le cœur, mais c'était avant les télé-réalités et tout le reste qu'il y avait le boot pour aller parler. Ça m'a comme vraiment frappé. Ça t'est venu d'où, ça? Ben, ça doit être un accident. Parce que moi, je vais te dire, la seule explication que je peux te donner, c'est que je voulais faire des films qui ressemblaient à la réalité des gens. Oui. Le plus possible. Mais tu as des thématiques très terre à terre aussi. Oui, ça, très terre à terre. Sens, là. Et c'est ce qui fait que les gens qui travaillaient avec moi sur les plateaux, qui étaient des diplômés en cinéma, faut le dire, me méprisaient à cause de ça. Parce que j'étais pas assez flyé, j'étais pas assez fucké. J'étais très terre à terre. Okay. J'étais un peu téléroman, j'étais un peu. Bon, enfin, fais ça comme tu voudras. Alors, c'est vraiment venu de ça. C'est que moi, je voulais montrer des trucs qui ressemblaient le plus possible à la réalité des gens, un peu exagéré évidemment, mais qui ressemblaient à la réalité des gens. À l'extrême. Oui, à l'extrême. Même. Puis, à la réalité des gens, puis c'est tout. Mais quand tu dis aussi que tu avais comme des choses que tu voulais faire dire dans l'exercice, ça ressemble un petit peu beaucoup à ça, là, dans le sens que tu peux pas. Si tu as une idée que tu veux faire dire, tu veux pas. Faire une catapulte pour te rendre à Laval, là. Tu veux faire une catapulte pour te rendre en France, mettons, en tout cas. Ouais, merci d'avoir compris ma métaphore. C'était pas super facile. Diana, s'il te plaît, une phrase pour laquelle moi je t'ai toujours trouvé très jolie. Ça, je pense que tout le monde est au courant. C'est une opinion, merci beaucoup. À date, mon opinion vieillit très bien. Puis elle est plus jeune là, quand même. Là. Non, c'est un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment que je fais. C'est que non, c'est un compliment que je fais. Moi, je le comprends, son compliment, mais. Oui. C'est parce que c'est rare quelqu'un à cet âge-là qui demeure joli. Oh, oui, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que tu aimes ma personnalité ou... Oui, oui, mais là, Tommy, il parle de ta beauté, alors on va rester là, sur le sujet. Ce n'est pas la beauté intérieure qu'il parle. Chante-nous la bastringue. Tommy, il parle de ta beauté extérieure. Chante-nous la bastringue. Malheureusement, j'ai oublié la parole. Mademoiselle, voulez-vous danser? Ça, d'ailleurs, c'était une de ses idées ridicules quand on avait écrit le scénario tous les deux ensemble. Ces films étaient ridicules. C'est sûr que je vais ajouter à ces idées ridicules. C'est le long métrage, le seul qu'on a écrit ensemble. Et j'avoue ça, que ça on parle été... de Vénus de Milo. Et puis, ça marche toujours pas, d'ailleurs. Ça a été un échec total. Parce que. Nous, c'est notre préféré ici, en tout cas. Allez, vas-y. C'est ça le problème. Vas-y, blâme-moi comme d'habitude. Vas-y. Le problème, c'est qu'on avait deux philosophies différentes. Moi, je suis toujours. Moi, je veux toujours montrer des choses plus dark, plus négatives. Ouais, moi, j'aime la comédie, light, alors, le fun. Vénus de Milo, toutes les jokes, c'est elle. Tout le dark, c'est moi. Ouais, il y a un gros puis, clash. Ça fait un clash qui marche pas. Ouais, des fois. Ben non, ça marche très bien. Pour vous autres. Mais pour vous aussi, avec le temps, je suis sûr, là, dans 15 ans, là, ça va être le long métrage que tu as fait que tu vas aimer le plus réécouter. Justement pour ces anecdotes-là, ces clashs-là, ça donne une vie à l'œuvre qui est différente de beaucoup d'autres. Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre, OK? OK, on écoute tout le monde. J'ai été beaucoup critiqué pour Vénus de Milo. Ben, ça me surprend pas. Hein. Non. J'en suis responsable. J'ai des amis. Non, certaine il est là. Il est juste là devant toi. Nonobstant toi. Moi, j'ai des amis, évidemment, de longue date qui ont vu tous mes films. Puis, ils me disent tout le temps, ton navet, c'est Vénus de Milo. Je suis d'accord. Bon. Mais je vais te surprendre, sans te dire que c'est un chef-d'œuvre, moi, je regarde Vénus de Milo et je trouve pas que c'est le pire. là, tu sais c'est quoi okay. La prochaine question que je vais te poser, là. Oui. OK, la question est née, elle est là, elle existe. Est-ce que oui. Tu peux nommer la question, s'il te plaît? C'est quoi le pire, dans mon optique? Des gars, des filles, un salaud. Ah ouais, hein? Fait qu'on n'aura pas le 3, là? Hey, ça veut dire qu'il y en a ça nous prend le 3! Voyons, Vincent, Zachary, tout ce monde-là, on veut savoir c'est quoi qui arrive. Le premier qu'on vient de voir, encore là, les mêmes amis me disent que malgré les problèmes d'acting dans ce film-là, c'est leur préféré. Mais oui, à cause oui. De l'histoire. Oui, oui, exactement. Tu parles de quel film, là? Le premier. Ah, Stéphanie. Qui avait été écrit spontanément. Oui, oui, puis aussi, on voit le... comment dire, la persévérance, on voit l'effort, on voit l'envie plus que je sais pas comment, mais oui, je suis d'accord. Est-ce que je peux dire avec que... Barmaid aussi, mais sauf les problèmes de son, Barmaid. Est-ce ça, que c'est... je peux juste dire un petit quelque chose sur Stéphanie? On t'a pas donné un micro pour rien, tu sais. Tu dis ce que tu veux sur ce que tu veux, hein, puis vas-y large. Hein, tu peux parler de la situation au Moyen-Orient, peut-être ça va. Peut-être ma vanité, je sais pas, là, mais... Ta vanité? Non, mais... Je sais pas là, mais je voulais juste parce que il était pas mis dans le Bold and Brash, dans le documentaire qu'il avait fait dernièrement. Ok, c'est ok. C'est juste que pendant que c'était fini, là, je mangeais pas parce que j'avais des, je ne sais pas le mot en français, ulcers, des ulcères dans ma bouche. Fait que je sais pas ça, je parlais comme ça de même pendant le film parce que je ne pouvais pas manger et puis j'avais des ulcers. Ben même c'est. Je sais que tu m'as la dit tantôt, tu as eu des problèmes de maladie aussi pendant le tournage, des problèmes de santé, je pourrais dire plus. Oui, oui, pendant Stéphanie, ouais, oui, ouais. Oui, c'était ça. Fait que je mangeais pas et j'étais beaucoup vraiment en douleur. Fait que je manquais de la concentration. Puis faut manger pour vivre, dit non, le sage. Non, c'est ça. Hein, ça ouais. J'avais pas mangé pendant le tournage, quoi. Elle a été pratiquement une semaine sans manger. À cause des ulcères dans sa bouche. Ah, sacrifice! Et c'était la semaine, justement, la semaine du tournage. Qu'on commençait aussi tranquillement, là, ouais, ouais. Oh boy, hein, elle me regarde, puis elle dit, ouais, ouais. Ah, mais t'es passé au travail, puis t'es revenu dans 5 ans. Jean-Pierre Bernier, qui est là, témoin de ça, il m'a dit, va te faire soigner, je sais pas. On m'a pris mon sang, même juste avant de tourner, alors, qu'est-ce que ça voulait dire? On a pris mon sang, puis je mangeais pas, puis j'avais des ulcères. Alors, mais je l'ai fait quand même, là. Fist bump. Oh, oh, oh oui! Ah oui, bravo, bravo. Merci. Mais toi aussi, dans le sens, est-ce que toi, c'est une première étape dans une carrière que tu espérais plus absolument. Tard? Absolument. Non, ouais, mais ouais. Absolument. Ça montre jusqu'à quel point que je voulais faire ça. Oui, oui, oui. Ah non, et je vais aussi continuer à le faire. Jamais, je vais dire que je suis bonne, là. Je pense que peut-être j'ai des bons moments, là. Mais c'est sûr que c'est dans moi, là. C'est sûr que je vais continuer. Ça, on ne peut pas m'empêcher de continuer. Ah oui, bravo. Non, merci beaucoup. Juste pour une parenthèse, Lena, je ne sais pas quelle heure il est, mais ce soir à 8 h, tu étais au Canal D. C'est vrai, ce soir à 8 h, Diana était au Canal D. Dans un épisode d'Un tueur si proche. Ah oui. Et voilà. Anyway, on va être dans des gars, merci des de filles plugger, et plusieurs salauds. Des gars, des filles, des troisième sexe et d'autres. Genre, moi, d'ailleurs, les choix de... Premièrement, Nathalie, Stéphanie, Caroline... Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent, je trouve que c'est un des titres de long métrage qui aide le moins le long métrage que j'ai vu de toute ma vie. Bon, tu connais pas l'histoire, évidemment. Ben, pas du titre, non, mais je connais l'histoire du film. Moi, j'avais appelé mon titre de travail... C'est destiné. Oh. Inconséquent. Moi, je croyais que c'était inconséquent. Non, le titre de travail. OK. C'est destiné. Lorsqu'on a fait le montage, je voyais un peu où ça s'en allait. J'avais appelé ça inconséquence. Parce que les personnages étaient assez inconséquents. Ben surtout le personnage principal, dans le sens que il se fait faire le même truc qu'il faisait à l'autre avant, puis il remarque pas, lui. Puis... Oui. C'était tout du monde inconséquent là-dedans. Et voilà. Et là... Le distributeur qui avait accepté mon film, parce que crois-le ou pas, j'avais deux offres pour ce film-là. Moi, je le crois facilement. Donc, un des deux, c'était Lionsgate, qui est devenu Crystal Film. Et ça m'avait complètement renversé parce que j'avais tellement fait rire de moi sur le plateau. Et là, tu avais un gros distributeur international. J'avais un gros distributeur qui était intéressé parce qu'il trouvait ça sympathique. C'était bon pour la vidéo, tu sais. Ben oui. Mais je suis allé avec un autre distributeur. Et puis, l'autre distributeur, lui, il m'a dit, les 400 films, il m'a dit, tu peux pas appeler ça Inconséquence. Lui, il était pas mal pogné sur les films français. Alors, il s'est dit, tu sais, un peu comme Julie Jim, ou en tout cas, ces trucs-là. Alors, il avait dit, tu vas appeler Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent. J'ai dit, c'est what? Mais là, c'était le distributeur. J'ai fermé ma gueule. Et puis, ça s'est appelé comme ça, mais... Mettons que c'était pas un titre winner, là. Ouais, non, OK. Ben, ça arrive trop souvent, ça aussi, que le distributeur met comme son pied dans la porte. As-tu d'autres exemples? Là, tu me dis que tu as choisi ce distributeur-là, mais tu n'as pas commandé d'autres films après. Il a juste dit, change ça, ça va être correct, puis après... Ben, c'est qu'après, il n'y a aucun... Je suis encore ami avec lui. Mais il n'y a aucun de mes 5 films suivants qui l'a intéressé. Tu veux pas le nommer, lui de Oh ouais, ben c'est Roland Smith, là, on le voit dans le documentaire. Oui. Et puis, il n'a jamais été intéressé par mes films par la suite. Pourtant, il trouvait que c'était du téléroman et puis que ça n'avait pas de potentiel. Il voulait que ça soit fucké d'une autre façon. OK. Ouais, peut-être. Okay. Il voulait que ça soit plus artistique. Et puis, il trouvait que le premier avait des choses artistiques, avait des éléments artistiques. Puis, il y a beaucoup de choses, là, des thématiques qui sont très... comme je t'en parlais tantôt, la fille se fait vomir. On est en 1999. On n'a pas vraiment vu ça, des comportements comme ça à l'écran. Il y a aussi, comme le gars battu dans le couple, abusé moralement dans le couple. Tu sais, va donc chez ta mère, ça va te faire du bien. C'est des affaires qu'on n'a pas vues souvent. Coucher avec sa sœur, c'est des affaires qu'on n'a pas vues souvent non plus. Écoute, j'ai écrit ce scénario-là. La moitié est écrite en une soirée. Puis toutes les affaires over the top qui me passaient par la tête, je les écrivais. Ça a été écrit de façon très spontanée. Alors que les 5 suivants, je réfléchissais trop. Les shots, le budget, la continuité, les transitions. Ouais, parce que là, tu avais appris c'était quoi produire et réaliser. Ouais. T'étais plus juste le scénariste. Alors que le premier, c'était spontané. C'était toi pour j'avais vrai. J'avais donné ça. J'avais fait rire de moi par l'équipe technique. Mais ça a quand même donné quelque chose qui se tenait. Puis que on a hâte aux trois, là. Du côté histoire, les gens l'ont aimé. Stéphanie, Nathalie et des salauds, genre. Un salaud. Ça demeure quand même que le premier... T'sais, le premier, j'avais eu 2 offres. Après ça, j'en ai plus jamais eu. OK, là, t'es en train de faire un retour sur ton processus de création, peut-être, là. T'es en train de me dire que ton premier, que t'as écrit vraiment pas en pensant au budget, pas en pensant au reste, et qui a existé quand même, et qui est aussi le long-métrage que les personnes qui te connaissent bien disent qu'ils apprécient le plus. Ouais, ouais. Malgré le fait que j'étais un minable acteur, là, ça a quand même... C'est pas mal joué le trou de cul assez bien, là, quand même. Ouais, mais le fait que ça tient bien... T'as joué le trou de cul assez bien, là. Quand il fallait être trou de cul, ouais, c'était ça, naturel. Quand il fallait être trou de cul, c'était correct parce que c'était facile à jouer. Mais quand il fallait être sentimental, ça faisait dur, là, t'sais. Ouais, mais un trou de cul sentimental, c'est sûr, ça va faire dur même dans la vraie vie. Fait que, on le sait plus trop, hein. Diana, s'il te plaît. Centre du massage sensuel, bonjour. Mila, l'appareil, comment puis-je rendre votre journée plus agréable? Est-ce que tu peux me répéter ça? C'était pas... Elle l'avait tellement. Arrête, Simon! J'avais envie d'appeler. Arrête de me planter. Est-ce que tu peux me répéter la séquence? Est-ce que tu peux regarder la foule? Puis centre du massage sensuel, bonjour. Mila, à l'appareil, comment puis-je rendre votre journée plus agréable? Oh my God. Tiens. Centre du massage sensuel, bonjour. Mila à l'appareil. Comment puis-je rendre votre journée plus agréable? Hey, ça, c'est du 9 sur 10 sans agrafice. Merci beaucoup, Diana. C'était de toute beauté. Moi j'arrive tranquillement à la fin de mes petites questions. DJ Guapo, est-ce que je peux lui parler? C'est celui qui a fait les trames sonores de tes premiers films, ça? Non, c'est celui qui a fait la trame sonore d'Échangiste. C'est ça. Évidemment, c'est un nickname, mais je vais te dire honnêtement, je me souviens pas de son nom. Fait que je vais le retrouver sur Facebook, comme tout le monde. Qui tu parles? Probablement, de qui tu parles? Le gars qui avait fait la musique pour Échangiste. Je me souviens pas de son nom. Pourquoi les Échangistes? Une de ses fantaisies, pourquoi, j'imagine. Pourquoi quoi? Non, non, mais c'est... Non, non, mais... On te parle plus, là. Pourquoi j'ai fait... Pourquoi j'ai fait ce film-là? Ouais. Ben, écoute, là, j'étais rendu à un point, à peu près en 2005, où il y avait eu la fameuse controverse sur les échangistes. Ben oui, mais on le voit aussi au début du film. Et moi, je m'étais dit, bon, là, si je veux percer, il faut que j'ai un sujet... Provoquant. Qui va m'amener à tout le monde en parle. Je comprends. Et je trouvais que c'était très d'actualité. C'est vrai. Bon, évidemment, c'est un film qui a été fait à 49 000 $. Alors, ça a ses limitations, malheureusement. Mais je peux te dire que j'étais sur la liste d'attente à tout le monde en parle. Oh ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu mérites au moins ça. Là, parce que le film, quand il est sorti ça en salle, venir. Il a quand même sorti en salle au beau bien. Et puis au Je me rappelle, on est allé le voir. On avait fait un événement à Douteux. On était 20 personnes dans la salle. Et puis mon attachée de presse, elle m'avait dit le mercredi, t'es en stand-by pour tout le monde en parle. Si quelqu'un se désiste, c'est toi qui vas. Malheureusement, personne ne s'est décidé. C'est ça. Hein? Mais les beaux là que tu as mis dans le café, il n'a pas pogné. C'est ça. Merci beaucoup. Mais sinon, moi, c'est ça. Les mêmes acteurs reviennent souvent d'un film à l'autre. Ils prennent pas tout le temps les mêmes personnages, ni même des fois pas les mêmes archétypes. Mais est-ce que tu avais des acteurs qui avaient des demandes spéciales pour toi quand tu écrivais des scénarios des fois? Est-ce que tu étais comme tu avais une communication privilégiée avec un acteur? Est-ce que Dario disait des fois « Hey, je pourrais être encore plus chien sale dans le prochain film » genre? Non. Par contre, moi, je faisais toujours lire aux gens le scénario. Puis j'étais très ouvert, puis je disais « Avez-vous des idées? » Alors, de temps en temps, les gens arrivaient avec des petites idées. Pourquoi je travaille avec les mêmes gens? Bien, c'est comme année, il y a un degré de confort qui s'installe et je veux juste enlever un mythe là-dessus. Tu sais que c'était mes amis avec qui je travaillais. C'était pas le cas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des ou gens, sinon, ça en est devenu avec le temps. Il y en a qui sont le devenu. On essaie toujours. Et il y en a que je travaillais avec eux. Mais le seul moment où je leur parlais, c'était au moment où on faisait un film. Puis aujourd'hui, je suis plus en contact avec eux. C'est ça, c'est pas ça. Pas que je les aime pas, mais parce qu'à un moment donné... Parce que c'était pas ça la nature c'est ça. De votre alors, relation. Alors, il y a quelque chose qui a été véhiculé beaucoup, qu'on était une gang de chums qui faisaient des moi, je me rappelle, j'ai déjà écrit quelque chose là-dessus. Fait oui, que, ouais, oui. Mais il y a beaucoup de monde qui pensait ça. Ben oui. Qu'on était des gangs de chums, tu sais, comme une troupe de théâtre, quelque chose. C'était pas le cas du tout. Pourquoi je gardais les mêmes acteurs? Ben c'est comme un niveau de confort qui s'installe. Puis oublie pas que moi. Je faisais des trucs qui étaient relativement critiqués, qui n'étaient pas pris au sérieux. Alors, quand j'ai le temps pour caster des acteurs, c'était difficile pour moi d'approcher des gens. Oui, je comprends. Je te donne un exemple pour Barmaids. J'avais casté une actrice pour jouer un des rôles. Et puis, la fille commence à faire des répétitions avec moi. Elle était vraiment embarquée dans le processus. Mais là, elle s'en va au club vidéo et elle s'en va louer des gars, des filles, un salaud. Puis là, elle dit, c'est fini. Et là, elle m'appelle, puis elle dit, wow. Elle dit, là, j'ai vu ce que tu faisais. Elle dit, je suis pas vraiment confortable là-dedans. Elle dit, voilà, tu donnes mon rôle à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais puis, déjà. Puis pourtant, elle avait le scénario, puis elle l'avait lu. Là, elle avait le scénario, mais là, elle avait vu ce que je faisais. Puis ça ne l'avait pas rassuré. C'est parce que je faisais au passé. Pauvelle, grandi, ma grande. Fait que c'est ça. Alors là, ben là, tu rappelles quelqu'un que tu connaissais déjà. Ben ouais, je comprends. Échanger, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des gens à cause du sujet. Alors, pour me faire confiance, il fallait que ce soit des gens que je connaissais. Ouais. Ou des gens qui connaissaient des gens que je connaissais. Alors moi, il y avait une actrice que j'avais castée. Et puis, qui était excellente. Et puis encore là, elle m'a dit, j'ai lu le scénario, elle dit, je te connais pas, elle dit, je sais pas où ça s'en va cette affaire-là, mais elle dit, j'ai pas confiance. Alors, tu sais, à un moment donné, je dirais pas que c'était un peu par défaut, mais c'était un peu par le fait que j'étais tellement marginal que fallait que je reste avec des gens qui me connaissaient personnellement. Ouais, ouais. Parce que les gens voyaient mes trucs, ils lisaient mes trucs, ils pensaient que j'étais un trou de cul. Il y a du snobisme. Il y avait du snobisme. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Les gens de l'École nationale de théâtre. Puis aussi, t'étais comme bilingue dans le sens que tu prenais des anglophones pour jouer des francophones. Puis ça, c'est quelque chose qui est très peu télé québécoise. Ouais. À moins qu'on parle de comme ça. Là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. Ça devient rapidement des stéréotypes. Je te donne un exemple. J'avais casté pour Vénus de Milo Erwin Wesch, l'haïtien. Ouais, ouais. Et puis, très sympathique. Et puis, lui, il était à l'École nationale de théâtre. Alors moi, j'étais fier parce que... Mais lui, il a eu une carrière. Il a fait des annonces de Brault et Martineau. Enfin, j'avais des gens... Non, mais enfin, j'avais quelqu'un qui venait de l'École nationale de théâtre. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Alors moi, je lui avais dit, j'ai dit, peux-tu m'amener des gens de l'École nationale pour auditionner? Parce que toi, tu payais aussi, là. Tu ne demandais pas des services. Toi, tu voulais engager des gens. C'était des gens qui commençaient. C'est ça. Alors, je me disais, ben mes films, c'est un bon tremplin. Et puis, Erwin avait fait le tour de l'École nationale de théâtre avec ses collègues depuis plusieurs années. Et puis... Ça va être une finale d'anecdote vraiment savoureuse que je vais me rappeler et toute les ma gens, vie. Et les gens avaient dit, no way. No way? Non, parce que les gens avaient vu Stéphanie au Club Vidéo. Ils avaient vu Vénus de Milo au Club Vidéo. Ils avaient vu ça, puis ils avaient dit... C'est un cinéaste médiocre. On veut rien savoir de ce gars-là. Il est pourri, il vaut rien. Alors, on veut pas. Ils n'ont rien compris, man. Et il y avait même quelqu'un qui avait joué dans un de mes films, qui avait donné le DVD à un de ses amis, qui avait dit, je te montre ça, mais montre pas ça à personne. Tu te protèges-moi contre quoi? Alors, c'est difficile pour moi de casser les gens. Non, je comprends. Mais moi, ce serait un honneur. Puis comme je l'ai dit tantôt, moi, je te donne 20 heures par semaine bénévole dès que tu vas avoir besoin de moi pour faire un autre film. Moi ce que je veux, c'est du Simon Boisvert qui se sent à l'aise. Retourne aux sources aussi, tu l'as dit tantôt, là. Parce que là moi, ce que je reconnais, c'est un gars qui comment dire, pas être calculateur autant que t'essaies de prévoir le plus possible. Comme tu me dis, là, t'es rendu à impliquer juste la marque sur le plancher. Tu penses au budget, tu penses aux acteurs, tu penses à... Ton premier que t'as écrit, c'était toi face à toi, c'était un beau miroir. Retourne à ce Simon Boisvert-là, là, puis finis ta trilogie, Colin. C'est ça qu'on veut! Mais... Sinon, je pense que tout le monde, il y a une qualité, c'est très difficile de s'en vanter, mais il y en a plusieurs, comme la sagesse, l'innocence, tu sais. Mais l'humilité, ça en est une qui est autre chose. Et je pense que ta présence ici ce soir, c'est une des plus belles baffes que j'ai reçues de toute ma vie. Et je m'excuse sincèrement si à un moment donné, j'ai pu écrire des affaires qui vous ont blessé. Mon langage a changé beaucoup depuis. Et ce que je veux mettre de l'avant, surtout de la québécoise variété, de la variété, des choses qui n'est pas, mettons, le nouveau Batman, que c'est important qu'on ait une opinion sur qui va le caster. Je veux que tu continues à faire des films, puis en fait, là, t'es rendu dans une carrière de... Tu travailles dans le monde du hockey parce que t'étais bon là-dedans, genre, ils t'ont repogné par la bande. On a pogné des articles dans le journal qui parlaient de notre cinéaste à nous autres, tu sais, puis là, on était contents, tu sais, mais ton prochain film, ça va être ton premier qui ne parlera pas de relations de couple, dans le fond. Ouais, parce que j'ai comme un peu fait le tour du jardin de ce côté-là. Je pense que oui. Puis tu sais, tu regardes le film que j'ai fait à soir, que tu as montré à soir, tu sais, j'ai écrit ça il y a 15 ans. Oui. Alors évidemment, jamais je pourrais réécrire quelque chose comme ça. Dans le temps, les téléphones, là, c'était plus gros qu'une brique, puis c'était sur un comptoir, là. Ouais. C'est fou. Fait que, tu sais, j'ai fait le tour, puis je pense pas que je pourrais être capable de réécrire. Sauf des gars et un salaud ou trois, là, des filles, des... Non, parce que, je vais te dire une chose, OK? Quand j'ai écrit 40 is the new 20, OK. Tu sais que j'avais contacté l'acteur Pat Mastroianni qui était dans Degrassi. Oui. Mais tu en parles dans le documentaire de ça. Et là, moi, c'était un premier step vers. Tu sais, je voulais trouver des acteurs plus connus, des gens plus professionnels. Alors, lui, évidemment, ne me connaissait pas. Sauf que, ne me connaissant pas, il m'avait dit, j'aimerais que tu rencontres le scénariste de la première série de Degrassi, qui est un de mes amis. Yann Moore. T'as des contacts dans le milieu, toi? Oui. Et là, je suis allé à Toronto. J'ai fait lire le scénario par Yann Moore. Et Yann Moore a comme un peu convaincu Pat de jouer. Bon, que ça tenait, puis il l'a convaincu de jouer avec moi. Mais ça se tient, ce scénario-là, ça oui. tient. Il est peut-être genre 15 minutes trop long, le film, selon moi. Puis t'aurais de quoi qui serait très internationalisable. Là, c'est ça. Puis le Yann Moore en question, il avait dit... J'ai dit, est-ce que... T'écris encore pour Degrassi, la nouvelle série qui était revenue. Il dit, je peux plus. Il dit, j'ai 55 ans. Il dit, je peux plus écrire des histoires de jeunes de 17 ans. Je suis d'accord avec ce propos-là. Là, moi, j'ai 48, bientôt 49. Je pense que si j'écrivais... Même, t'as 50 ans. Presque. Tabarnak, c'est quoi tu fais? Tu fais du sport? Moi, la trentaine est rentrée, c'est fini, là. Non, mais écoute, tu sais, j'ai quasiment 50 ans, puis là, écrire des affaires sur des jeunes de 25 ans, il y a un gros danger là-dedans. C'est que je vais écrire ça selon moi, comment j'étais à 25 ans, comment mes amis étaient à 25 ans. Ouais. C'est pas la même chose. C'est plus aussi ce dans quoi tu baignes. Là. Genre, je sais le pas problème, je sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier film de Denis Arcand, Le règne de la beauté, qui a été vraiment descendu par les critiques. Puis je comprends pourquoi ça a été descendu. Denis Arcand, il a 74 ans. Il a écrit un film sur les trentenaires. Moi, j'ai pas reconnu les trentenaires. Il a écrit un autre film. Oui, sur et les en entrevue, il a dit, j'ai écrit comment moi j'étais à 35 ans. Oui, mais toi, tu étais à 35 ans en 1975. C'est ça. Dans le temps de téléphone, c'était ça, là. Oui, puis dans la mentalité des personnages. Moi, si j'écris sur des gens de 25 ans, je pense pas que ça va marcher, parce que j'en ai quasiment 50. Alors, mentalité a changé. La mentalité a un petit peu changé. Alors, les gens de 25 ans vont avoir un film. Ben voyons, non, c'est pas moi, ça. Puis ça change aussi de plus en plus rapidement. Oui. Alors je veux pas m'embarquer dans des sujets de gens de 25-30 ans. Alors, c'est pour ça que les relations de couple, ces choses-là, bon, rendu à 50 ans, il y a encore... Comment ça se passe dans ta vie, là? Moi, je peux te dire que je regarde un peu autour de moi, c'est rendu très... T'es-tu comme available, là, s'il y a une femelle dans la salle, que ça lui tente de te payer des shooters, là? Il fait dire que oui, OK? En plus, t'es un cinéaste! Je pense que... Tout le monde va ici, qui sont ici, vont me trouver trop vieux, là. Pas là-dessus, là. Non, ça, la vieillesse, ça existe pas, à une place, puis c'est dans ton cœur à toi. Les filles de 32, je pense pas qu'ils sont intéressés par les gars de 48. Les gars de 48 qui ont un salaire, puis que... Non, attends, pars pas trop vite, toi, là. Mais sinon, comment t'aimes ça, ta job? Là, t'es rendu recruteur pour le hockey junior majeur. Ouais, mais là, il y a eu des développements. Moi, j'ai fait 4 ans. Et puis, ça fait 4 ans qu'on a lu l'article. Et ça, puis j'ai laissé cet été. Toi, t'as laissé? Ouais. Trop d'incompétence. Fait que t'es en train de préparer ton prochain film, dans le fond. Non, le scénario est écrit. C'est génial. Mais, en tout cas, tiens. Je peux dire que les gens de hockey passent au cash. Ben, en tout cas, il y a... Si ce film-là se fait, je pourrais plus jamais travailler là-dedans de ma vie. T'es-tu encore en train de chercher là-dedans, t'espères-tu? Hein? Pardon? Est-ce que tu cherches encore un emploi là-dedans? Est-ce que t'aimerais ça retourner travailler là-dedans? Éventuellement, peut-être. Mais là, pour le moment, j'ai le goût de revenir au cinéma. C'est pour ça que j'ai fait le documentaire l'an dernier. Ah. Et puis, on verra. Mais je peux te dire que si je fais le film sur le hockey, je suis banni à vie. Je veux le voir. Je veux qu'il existe, ce film-là. Puis t'as plein de monde ici qui vont t'aider. Sinon, on termine un petit peu tranquillement notre soirée. J'aimerais vous laisser la parole. Je sais pas comment faire ça pour que ce soit constructif, mais j'espère qu'on va vous revoir. Y a plein de monde qui m'ont demandé, est-ce que tu peux me plugger à eux autres pour une entrevue ou pour quoi que ce soit? Vous me direz off the side si ça vous dit ou quoi que ce soit. Moi, je veux vous revoir ici à un moment donné ou le reste. Je veux que tu viennes faire le VJ à un moment donné, un lundi au douteux, là. Ça va être débile, surtout qu'à cette heure, tu travailles plus. Fait que t'as tes lundis off, là. Je travaille encore. Ah ben, moi, en tout cas. Ça fait 23 ans que je suis traducteur. Oui, ben oui, t'étais au Cinéma Parc, du Parc avant. Non. Cinéma Parc, c'est un de mes clients. Et voilà. Moi, je suis à la pige depuis 23 ans. Et puis, je fais des 60-70 heures par semaine pour payer pour les cochonneries que vous regardez le lundi soir. À part le mot cochonnerie, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Sérieux, moi, je me lève debout. On les applaudit. C'était Diana Lewis, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Merci. Et Simon Boisvert. Ça a été une de mes entrevues préférées, ami. Sinon, c'est la 7e foire de l'absurde. Monsieur, madame sont invités toute la fin de semaine. Je l'ai parlé tantôt, hein, le mot absurde, il prend tout son sens quand quelqu'un essaye de nous convaincre qu'on ne l'est pas. Sinon, ça va être notre ami Dr. V qui va prendre le relais en musique. Laissez-nous un petit peu de temps pour tout placer ça, faire les câlins puis régler ça avec nos invités d'honneur. Si vous les voyez, touchez-les, ça porte bonheur. Merci, c'est la 7e fois de l'absurde. On commence, il nous reste encore 3 jours pleins. Et puis ben là, on passe à l'encan, puis on a un show de musique et tout. Et puis on finit avec une soirée dansante. Merci.